Chapitre 6. Des lueurs dans les ténèbres. Deux jours s'étaient écoulés. « Nous sommes en plein mystère, me dit Lautrec. Vous n'avez rien découvert de nouveau ?»« Si, mais chaque nouvelle découverte a pour effet d'épaissir le mystère qui entoure cette étrange affaire. »« Puis-je savoir où vous en êtes ?»« Certes, je suis d'abord allé trouver les 5 célibataires que vous avez vus avant moi. » Je m'étais tenu ce raisonnement. Si l'antidérapant a pris les noms des 5 individus, c'est qu'il les connaissait et qu'il présumait qu'aucun d'eux ne se serait marié dans un laps de temps assez long. 4 de ces célibataires avaient à peu près le même âge que le cul de Jatte. Je me renseignai. Tous avaient suivi, à la même époque, les cours du lycée Charlemagne. C'était une piste. Je questionnai les célibataires afin de savoir s'ils ne soupçonnaient pas un de ces lascars qui promettent, un de ces aventuriers en herbe, comme on en voit dans les collèges, de s'être servi de leur nom pour se marier. Leurs réponses ne m'apportèrent aucun éclaircissement. Mes investigations se portèrent ensuite du côté des 5 veuves du noyer. Toutes étaient devenues, depuis leur mariage, des femmes d'une honnêteté douteuse. Mon enquête, de ce côté, continue. Mais elle n'a donné, jusqu'à présent, aucun résultat. Aucune lumière nouvelle, donc? Si, de nouvelles lumières, mais qui, comme je vous l'ai dit, compliquent le mystère. J'ai découvert une 6e épouse du faux cul de Jatte. La mystérieuse dame brune, dont l'inspecteur Bellet vous a parlé? Non, une autre. Une autre encore? Fis-je stupéfait. Quelle est donc cette 6e, ou plutôt cette 7e martyre? C'est madame Charles Le Borgne. Pourquoi n'est-elle pas allée reconnaître son mari à la morgue? Là, précisément, est le mystère. Madame Le Borgne a déclaré qu'elle n'avait plus revu son mari, mais qu'elle ne s'en était pas étonnée outre mesure. Continuant discrètement mon enquête, j'ai appris que le cul de Jatte avait été assez gravement malade. Une nuit, une automobile de maître s'est arrêtée devant la maison où habite Madame Le Borgne. Des inconnus y sont entrés et en sont ressortis peu après en emportant un sac volumineux qu'ils ont déposé dans la voiture. Puis l'auto est partie à toute vitesse. C'est du moins ce qui résulte du témoignage des voisins. Depuis cette nuit, on n'a plus revu le cul de Jatte. Ceci laisserait supposer que le sac contenait son cadavre. J'ai questionné à ce sujet la veuve qui prétend que personne n'est venu chez elle, que son mari s'est guéri et qu'il est parti un beau matin pour ne plus revenir. Là se borne jusqu'à présent mon enquête. Les 5 célibataires ont-ils connu ce Le Borgne? Non, mais j'ai pris des renseignements qui tendraient à prouver que ce nom était bien celui du défunt. L'enquête continue d'ailleurs, mais jusqu'à présent, je n'ai aucun élément nouveau à signaler. Je serrai la main de Lautrec et le quittai en lui promettant de revenir le lendemain. J'étais déçu, ma curiosité était surexcitée et, comme l'avait dit mon ami, les nouvelles lumières ne faisaient que compliquer le mystère qui planait autour de cette étrange affaire. Le lendemain, j'apprenais qu'un crime nouveau avait été commis au centre même de Paris, quai des Grands Augustins. Un autre rentier, M. Léon Auffry, avait été assassiné dans son appartement du premier étage. Le meurtrier était inconnu. L'après-midi, je vis Lautrec. Tout de suite, il me parla du drame. Il s'était rendu sur les lieux quelques heures auparavant. Connaît-on le coupable? Ce crime est analogue à celui dont fut victime, il y a quelques jours, M. Cazère. Et ce qu'il y a de plus étrange, c'est qu'une fois encore, j'ai relevé des empreintes digitales qui sont identiques à celles que j'ai prises moi-même sur le mystérieux noyer de la morgue. Toujours le cadavre ambulant, le cadavre qui tue, m'écriai-je. Tout cela est de plus en plus extraordinaire. A-t-on vu, ici aussi, le cul de Jatte? Non, on n'a rien vu. Je n'ai pour me guider que les empreintes dont je viens de vous parler. C'est à ne plus rien comprendre. Je n'y comprends pas plus que vous, mais je ne désespère pas.